Donc, mes frères et sœurs, nous allons continuer encore ce matin notre chapitre 12 et nous allons arriver au passage qui était vraiment discuté à plusieurs reprises, le blasphème du Saint-Esprit. Et nous allons essayer de comprendre qu'est-ce que ça veut dire, ça, dans le contexte de Matthieu, bien entendu, dans le contexte du fait que Matthieu essaie de prouver qu'il est roi. Donc, ça rejoint ça quelque part. Je ne peux pas le dissocier du restant de toute la grosse photo de l'évangile de Matthieu qui est de prouver que Jésus est le Christ à ses compatriotes, les Juifs. Notre Père du ciel, pourquoi ton fils a-t-il dit que de blasphémer contre lui, c'est pardonnable, mais de blasphémer contre l'Esprit, c'est pas pardonnable? Cet Esprit est-il plus important? On va voir que non, c'est pas ça que ça veut dire. Aide-nous, Seigneur, à bien comprendre. Aide-nous à comprendre pourquoi est-ce que Jésus dit cela. Et comment ça s'applique à nos vies, à nous. Et nous voulons, encore une fois, bien comprendre, parce que nous essayons de comprendre que Jésus est vraiment le roi, le Messie, le fils de David, qui est venu pour annoncer la justice, pour faire triompher la justice comme on a vu. Guide-nous, Seigneur. Amen. Donc, je ne sais pas combien de fois il y a des chrétiens qui sont venus me voir pour me dire, François, je me demande si j'ai fait le blasphème contre l'Esprit. Qu'est-ce que ça veut dire le blasphème contre l'Esprit? Est-ce qu'un chrétien peut faire le blasphème contre l'Esprit? Donc, on va voir ensemble. Qu'est-ce que ça voulait dire là, maintenant, quand Matthieu l'a dit? Quand Jésus l'a dit, qu'est-ce qu'il voulait dire? Mais rappelons-nous, il s'adresse ici à un groupe d'hommes qui sont là, qui sont contre lui. Et c'est à eux qu'il va parler, à ces personnes-là. Mais vous allez mieux comprendre. Nous allons lire, si vous voulez bien, à partir du verset 22 jusqu'au verset 37. Alors, on lui amena un démoniaque aveugle et muet, et il le guérit. De sorte que le muet parlait et voyait. Toute la foule, étonnée, disait, « N'est-ce point là le fils de David? » Les pharisiens, ayant entendu cela, dirent, « Cet homme ne chasse les démons que par Béelzébul, prince des démons. » Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit, « Tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Comment donc son royaume subsistera-t-il? Et si moi je chasse les démons par Béelzébul, vos fils, par qui les chassent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est-on venu vers vous? Ou comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort? Alors seulement il pillera sa maison. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. C'est pourquoi je vous dis, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit ne sera point pardonné. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pas pardonné, ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Vous dites que l'arbre est bon et que son fruit est bon? Vous dites que l'arbre est mauvais et que son fruit est mauvais, car on connaît l'arbre par le fruit. Race de vipère, comment pourriez-vous dire de bonnes choses, méchants comme vous l'êtes? Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor, et l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Car par tes paroles tu seras justifié, et par tes paroles tu seras condamné. Donc, Jésus, après qu'il ait fait tous les miracles et toutes ces choses-là qu'on a vues hier, Au verset 22, on lui amène un démoniaque aveugle et muet. Et il le guérit, de sorte que le muet parlait et voyait. C'est drôle, hein, qu'on disait, c'est un démoniaque, puis on dit pas qu'il bave, qu'il crie, qu'il a les yeux virés à l'envers, comme on voit des fois au cinéma, mais il dit qu'il était aveugle et muet. Des aveugles et muets, il y en a aujourd'hui, puis on dit pas qu'ils sont démoniaques. Donc, il devait avoir quelque chose de spécial pour qu'on dise cela. Mais Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Il le guérit. Et vu qu'il parle et qu'il voit, bien, on conclut que le démon est parti. La foule dit, ben, ça doit être le fils de David, hein? N'est-ce pas? Ça doit être lui. Regarde les miracles qu'il fait, regarde les grands prodiges qu'il fait, regarde, wow, ça doit être vraiment le fils de David. Ils sont dans la bonne direction, les autres-là. Ils sont pas sûrs, n'est ce point-là, mais ils sont pas sûrs, mais ils sont dans la bonne direction, du moins. Mais les pharisiens, au verset 24, disent non, non, non, non, c'est pas le fils de David, c'est par les démons, c'est par le prince des démons, Béelzébul, qui chasse les démons. Jésus va démontrer à la foule comment leur logique est idiote, insensée. Et il dit, tout royaume divisé contre lui-même va être dévasté. Toute maison divisée contre elle-même est dévastée. On sait ça. Si un couple est divisé, bien dévasté, ça va finir par faire ça. Comment qu'on a entendu dans l'histoire de famille, de parenté, de ville, de société qui ont eu des problèmes internes et ça a détruit leur mouvement, leur regroupement. Quand la bataille vient de l'extérieur, ça semble renforcer le groupe qui va s'unir pour faire face à l'ennemi. Mais quand l'ennemi est à l'intérieur, ça détruit tout. Et au verset 26, Jésus dit, si Satan chasse Satan, si Satan est contre lui-même, ben, son royaume ne va pas subsister, il est en train de se détruire lui-même. C'est pas logique, votre affaire. Si moi, je les chasse par Béelzébul, vos enfants que vous dites, ou qui disent qu'ils chassent les démons, par quelle force le font-ils? Le font-ils aussi par Béelzébul? Si vous leur dites ça, eux autres aussi vont vous condamner. Vos propres enfants vont condamner votre logique imbécile, votre logique non logique, votre logique qui ne tient pas compte de l'intelligence, du raisonnement. Il dit au verset 29, ou comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort? Là, il va pouvoir piller sa maison. Il dit, si moi je veux rentrer et voler la maison d'un homme et qui ici est à l'intérieur, ben l'homme va vouloir m'arrêter. S'il est plus fort que moi, ben je pourrais pas piller sa maison. Mais si je suis plus fort que lui et que je l'attache après une chaise puis je le mets dans le garde-robe, je vais pouvoir piller sa maison après. Donc Jésus dit, si moi je chasse les démons, c'est parce que je suis plus fort que Béelzébul, je suis plus fort que Satan. Donc il dit, votre logique est pas bonne. Mais il dit au verset 28, si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Donc si c'est par l'Esprit de Dieu, par la puissance de l'Esprit de Dieu, que je chasse les démons. Ça veut dire que le royaume de Dieu est venu vers vous. Ça veut dire que moi, j'amène le royaume des cieux. Ça veut dire que je suis mandaté par le royaume des cieux. J'agis de la part du royaume des cieux. Si le royaume des cieux me donne son esprit et que je peux combattre les forces démoniaques, à cause de l'esprit que j'ai reçu de mon Père, je suis plus fort que Satan. Donc, c'est parce que le royaume des cieux est venu. Comprenez bien ceci en parenthèse. Tout ce que Jésus a fait pendant qu'il était sur la terre, il le fait par la puissance du Saint-Esprit. Il aurait pu le faire par sa propre puissance en tant que Dieu, mais il le fait par la puissance du Saint-Esprit, parce que pendant qu'il est là, il se soumet à l'Esprit. Il est dirigé par l'Esprit, il agit par l'Esprit, il a de la puissance par l'Esprit de Dieu. Donc il dit, la preuve est faite, c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, et donc le royaume de Dieu est venu parmi vous, avec vous, à travers moi, qui est le roi qui devait venir. Et c'est à ce moment-là qu'il dit, si vous blasphémez contre moi, si vous me dites toutes sortes de choses contre moi, vous pouvez être pardonné de cela. Hein? Au verset, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes. Tout. Tous les péchés que vous allez faire. Il y en a juste un qui n'est pas pardonnable. Donc Jésus dit, tout ce que vous faites contre moi, si vous parlez contre moi, vous pouvez être pardonné. Mais si vous allez contre l'Esprit de Dieu, vous ne pourrez pas être pardonné. Pourquoi est-ce qu'il dit ça? C'est pas parce que cet esprit est plus important que Jésus. Mais il dit, c'est par l'Esprit de Dieu que je suis en train de vous montrer que je suis le Messie. C'est par l'Esprit de Dieu que je peux faire ces miracles et vous convaincre que je suis le Messie, afin que vous puissiez croire en moi, afin que vous puissiez vous repentir et croire en moi et que je puisse vous sauver. C'est le Saint-Esprit qui essaie de vous convaincre de péché, de justice et de jugement. C'est l'Esprit de Dieu qui veut vous régénérer, afin que vous compreniez qui je suis. Si vous refusez l'Esprit de Dieu qui peut illuminer vos cœurs, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Parce que dans votre nature humaine, vous me regardez et vous ne voulez pas croire en moi. Vous ne voulez pas vous confier en moi. Vous ne voulez pas m'accepter comme un roi qui vient des cieux. Mais par l'Esprit de Dieu et par le fait que ce que le Saint-Esprit fait, de faire les miracles, de chasser les démons, c'est lui qui essaie de vous convaincre. C'est son œuvre à lui de faire ça. À travers moi, par moi. Donc, si vous dites que l'œuvre que cet esprit fait, ça vient du diable, c'est l'œuvre de Satan, vous ne pourrez pas être sauvé, c'est sûr. Vous ne pourrez pas être sauvé, c'est sûr. Vous ne croirez jamais en moi. Et si vous ne croyez jamais en moi, ça ne vous sera jamais pardonné. Parce que cet esprit, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de vouloir convaincre Israël que Jésus est le Messie qui devait venir. Donc, si vous dites que je suis un serviteur du diable et que je travaille avec la puissance du diable, il n'y a rien à faire. Donc, les croyants ne peuvent pas blasphémer contre cet esprit. C'est facile à comprendre, là, hein? Nous, on croit. On a été convaincus par l'esprit que Jésus était le Messie et on a cru en sa mort et sa résurrection. On a cru qu'il était le Messie qui devait venir. On a cru qu'il était l'envoyé de Dieu. On a cru que tout ce qu'il a fait pendant qu'il était sur la terre, il l'a fait par la puissance de son esprit. On n'attribue en rien au diable ce qu'il a fait. Donc, nous sommes de ceux qui ont cru. Nous ne sommes pas de ceux qui blasphémons contre l'Esprit de Dieu. Et là, il dit, vous savez, je marche dans mon rang souvent, et quand je me promène, j'ai tendance à regarder les arbres, parce que je marche dans un rang de campagne, donc automatiquement, il y a des arbres chaque bord, et des vergers, des prairies, il y a toutes sortes de choses. Mais quand je pense et que je vois un arbre, je peux essayer de deviner. Hier, je me suis arrêté auprès d'un arbre, puis je me demande si c'était un érable. J'ai levé la tête, j'ai regardé. Et oui, dans le haut, il y avait tous ces petits hélicoptères qu'on voit qui descendent par le vent. C'était un érable. Ben oui, c'était un érable. Par les fruits, j'ai pu voir que c'était un érable. L'autre fois, je marche et je vois des arbres, ah, il y a des pommes, ah, c'est un pommier. L'autre jour, j'ai passé, puis il y avait un homme puis une femme qui étaient en train de vouloir, qui faisaient branler un arbre. Il était assez gros, assez haut. Et j'ai vu par les fruits qui tombaient que c'était un noisetier. Donc, ils voulaient avoir des noisettes. Donc, ils ont branlé l'arbre. Par les fruits, ils ont reconnu l'arbre. C'est ce que Jésus est en train de dire ici. On reconnaît un arbre à son fruit. Si l'arbre est bon, si c'est un noisetier, ben, il va avoir des noisettes. Si c'est un pommier, ben, il va avoir des pommes. Mais si c'est un mauvais arbre, ben, il va produire des mauvais fruits que je ne voudrais pas manger. Il dit, ensuite, il donne l'exemple. Il dit, du trésor. Celui qui a un bon trésor dans son cœur va dire des bonnes choses. Celui qui a un mauvais trésor va dire des mauvaises choses. Parce qu'il dit de l'abondance du cœur par la bouche. Il dit, au jour du jugement, il dit, au jour du jugement, tu seras condamné par tes paroles. Tu seras condamné pour toute parole vaine que tu auras prononcée. Ici, Jésus ne parle pas que si les chrétiens parlent entre eux autres de télévision, de hockey, c'est des paroles vaines. C'est pas ça qu'on parle ici, hein? C'est pas ça qu'on parle. Mais il dit, quand vous dites que l'œuvre que je fais, ça vient de Béelzébul, vous montrez votre cœur. Si vous dites que ça vient du diable, ce que j'ai fait, ça montre que votre cœur est mauvais, que votre trésor est mauvais. Si vous dites que ça vient de l'Esprit de Dieu, ça vient de Dieu, vous montrez que c'est l'œuvre de Dieu est en vous, que cet Esprit vous a convaincu, vous a montré, vous a ouvert les yeux, vous a ouvert le cœur pour que vous puissiez reconnaître que je suis le Messie. Donc, si vous dites que ça vient du diable, c'est parce que vous avez un cœur mauvais. Si vous dites que ça vient de Dieu, vous avez un cœur qui est bon, vous avez un bon trésor. Donc les vaines paroles ici, c'est de dire que Jésus n'était pas le Messie. Des bonnes paroles, c'est que Jésus était le Messie. Faisons attention de ne pas dire ici qu'une vaine parole, c'est quand on ne parle pas de la Bible. C'est pour ça que j'en parle. Dans le contexte, c'est tous les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Les paroles vaines, c'est de parler dans le contexte contre Dieu, contre Jésus, contre l'œuvre de Dieu, contre l'œuvre du Saint-Esprit. C'est ça, des paroles vaines. Dit au verset 37, car par tes paroles tu seras justifié et tes paroles tu seras condamné. Donc, si je dis que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, je suis justifié. Si je dis que Jésus est en fait des œuvres du diable, je suis condamné. Notre Père du ciel, béni sois-tu, que tu nous as montré encore ce matin que Jésus a fait l'œuvre des cieux, l'œuvre de Dieu. Merci Seigneur d'avoir changé notre cœur pour qu'on comprenne qu'il était le Messie et que son œuvre était faite par la puissance de cet esprit. Au nom de Jésus.